notre Marguerite en revenant du bureau sur une pile de journaux. Je me suis pris une bière dans le frigidaire, je suis descendu dans le parterre pour la lire comme il faut. Le soleil était rose sur la banlieue. Oh, je sais qu'on n'est plus dans le même bateau. Moi qui couraille la planète, moi qui dors à Pont-Vio. Tu m'écris de la Grèce et du beau temps. Tu me parles de lumière, de musique et d'océan. C'est un maudit beau cadeau pour mes 30 ans. Ma belle promeneuse, pense à moi quand tu viendras. Je suis toujours à la même place, en arrière du centre d'achat. Viens nous voir, viens nous voir, viens raconter aux enfants tes voyages en Orient. C'est sûr qu'ils vont aimer ça. Ça les changera de la TV pour une fois. Ici, y'a pas grand chose qui a changé, sauf le char l'année passée. Ça nous fait des choses à dire. Mes enfants vont à l'école maintenant et s'inventent des voyages sur l'asphalte du garage. Et ma femme trouve qu'il me ressemble évidemment. Ma belle promeneuse, pense à moi quand tu reviendras. Je suis toujours à la même place, en arrière du centre d'achat. Viens nous voir, viens nous voir, viens raconter aux enfants tes voyages en Orient. C'est sûr qu'ils vont aimer ça. Ça les changera de la TV pour une fois. Moi aussi j'aurai le goût de m'en aller. Si ma femme change pas d'idée, on prendra des vacances. C'est ma mère qui va garder les enfants. On ira aux États ou peut-être même en France. On aura notre bonheur organisé. Ma belle promeneuse, pense à moi quand tu reviendras. Je suis toujours à la même place, en arrière du centre d'achat. Viens nous voir, viens raconter aux enfants tes voyages en Orient. C'est sûr qu'ils vont aimer ça. On baissera le son de la TV pour une fois.